24 novembre, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport. Parlant d'abord d'haltérophilie, il y avait des compétitions qui se déroulaient récemment à Normandin. C'était la 18e édition de la compétition Dominor et plusieurs haltérophiles du club Dominor ont monté sur la plus haute manche du podium. Il s'agit entre autres de Océane Vallée, Maïka Perron, Mia Savard, Sophie Boudreau et Annie Kelly Tremblay, de même que Frédéric Condo, Frédéric Marcille et Tommy Dallaire. Donc c'est quand même une belle récolte pour le club d'haltérophilie Dominor du secteur. Parlons maintenant de patinage de vitesse sur contre-piste. Hier, on a eu Cassandra Bradette en entrevue sur les ondes de danretrosport.com. Et la patineuse de Saint-Félicien était très, très contente de sa performance récemment à la Coupe du monde. On va l'écouter là-dessus. C'est sûr que j'ai eu, dans le moment, j'ai été déçue parce que j'ai quand même perdu la chance de médaille à Calgary. Mais après coup, quand j'ai repensé à tout ce que j'ai réalisé, j'ai tellement travaillé fort cet été sur bien des aspects que j'ai réussi à appliquer, rendu aux Coupes du monde, que je ne pourrais pas être plus contente. J'ai vraiment réalisé des exploits auxquels je m'attendais pas. J'avais pas vraiment d'objectif non plus de position. Ouais. J'arrivais là un peu sans gros objectifs. Je savais pas où je me positionnais. Donc pour moi, ce que j'ai réussi à réaliser ces deux fins de semaine-là à Calgary et à Salt Lake, c'est vraiment au-delà de mes attentes. C'est une belle surprise. C'est vraiment une belle application de ce que j'ai travaillé cet été. OK. Puis c'était Cassandra Bradette vise maintenant à gagner des courses. Je suis dans ce bassin-là. Puis, tu sais, je pense, là, présentement, je travaille à justement gagner des finales. Okay. L'objectif, ça va être, c'est l'objectif ultime de gagner dans les finales. Puis, mais, tu sais, je suis bien partie cette année, je pense. Et dans un dernier temps, Cassandra Bradette parle de sa préparation pour la Coupe du Monde. On sait que la prochaine Coupe du Monde est en Asie et nos patineuses auront la chance de courir sur la patinoire qui auront lieu les Olympiques en 2018. C'est le test even, dans le fond, on va être dans l'infrastructure des Jeux olympiques. C'est sûr que pour l'instant, j'ai plus d'objectifs que j'en avais pour les deux premières Coupes du monde. Comme je disais, j'ai eu un peu plus où je me positionne. C'est sûr, je vais arriver avec la mentalité de gagnante. J'ai plus envie de gagner parce que je le sais que j'ai le potentiel de réaliser des bonnes choses. Donc, j'y vais avec un peu plus une mentalité de « je vais prendre des risques ». C'est l'objectif aussi qu'on a discuté avec l'entraîneur. Ouais. Donc, j'arrive là-bas, j'ai pas le choix. Faut que j'apprenne à prendre des risques, que je montre qui je suis, que je suis là aux gens. Fait que c'est pas mal comme ça que je vois ça. Puis c'est une belle préparation parce que en Asie, les Asiatiques, c'est sûr qu'ils vont être prêts parce que c'est le test event. Tout le monde est supposé être prêt pour cette compétition-là. Est-ce que tu vois? Parlons de hockey maintenant. Les Seigneurs de Chicoutimi ont reçu une belle nouvelle. C'est que Julio Bilia sera disponible en fin de semaine. Donc, le gardien vedette des Seigneurs pourrait disputer un des deux matchs que les Seigneurs vont jouer sur la route, soit à Drummondville ou encore à Sherbrooke le lendemain. Maintenant, on va parler de la Ligue Simplette. Il va y avoir des matchs qui nous intéressaient dans les différentes Ligues Simplettes du secteur. D'abord, à noter que dans la catégorie Atom Hall, les Hurricanes de Massillon sont gagnés 5-3 sur les Condors d'Allemagne. Et les Condors d'Allemagne et les Éperviers de Normandin se sont livrés un verdict nul de 1-1. En classe Pee-Wee maintenant, les Hurricanes de Massillon sont gagnés 6-0 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. C'était les matchs qui nous intéressaient. La 52e finale des Jeux du Québec qui sera présentée du 24 février au 4 mars prochain ont tenu une conférence de presse hier pour annoncer que 21 disciplines seront présentées lors de cette finale. Trois sports de démonstration également seront présentés. Et le pavillon Wilbert-Dufour sera l'hôte à lui seul de 10 compétitions. Les trois sports de démonstration qui ont été choisis en collaboration avec Sport Québec, il s'agira du sauvetage sportif. L'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait connu quand même de belles réussites lors des Jeux du Québec qui était présenté en 2014, également du cheerleading et du ballon sur glace. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai rejoint Mathieu Corbeil, qui est un Québécois qui réside à Las Vegas. Il a assisté au dévoilement du nom de la nouvelle équipe dans la Ligue nationale. Il nous parle de ce qui se passait là-bas et l'ambiance. Et on a parlé également à Pierre Trudel. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.